Dolbo Auto a décidé de souligner le mois de l'arbre et de la forêt en vous proposant le Silverado 1500 édition 4x4 à seulement $175 aux deux semaines, à 1,5% de location pendant 48 mois ou obtenez $11,000 sur certains camions. Dolbo Auto, 1770 boulevard Wahlberg, au téléphone 418-276-0580. Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et de la forêt. CLML sait ce que représente la forêt. CLML possède des chargeuses sur roues en plus d'une dizaine d'employés. CLML œuvre dans les séries du secteur de Mistassini et Saint-Félicien. Les bureaux de CLML sont au 905 boulevard Amel, Saint-Félicien. 418-679-4194. On va parler du Club du Mille du secteur de Dolbo. Il y avait, c'est une autre année qui débutait et question de savoir un peu comment que ça s'enligne cette année. On parle avec Pierre-Luc Ménard. Salut Pierre-Luc. Salut Danny. Pierre-Luc, l'année a commencé. Il y a eu des compétitions en salle. Je même abuse, je suis sur les médias sociaux, votre club, il y en a eu, hein? Mm-hmm. Oui, on a eu quelques compétitions intérieures depuis janvier, donc je dirais 3 ou 4 compétitions intérieures, puis une bonne majorité des membres du club ont pu déjà compétitionner à l'intérieur, puis la saison extérieure commence maintenant, là, bientôt. OK. Puis comment tu prévois ton année? Est-ce que tu prévois une grosse année? Est-ce que tu prévois au niveau des inscriptions, au niveau de tout un peu? Je dirais au niveau compétitif, c'est sûr que c'est une grosse année parce qu'on a les Jeux du Québec. Donc, c'est des années où quelques membres, là, plus élites de notre club vont tenter de se classer, de se sélectionner pour la délégation régionale. On va avoir les régionaux scolaires qui arrivent quand même très bientôt, la semaine prochaine, le 23 mai. Ouais. Donc, quelques membres aussi du club vont se classer pour les championnats provinciaux extérieurs scolaires qui vont avoir lieu à Jonquière cette année, donc ça va être le fun pour les parents puis la gang d'aller les encourager très proche. Après ça, il y a quelques compétitions au niveau provincial qu'on va y aller comme à chaque année. Les Jeux du Québec à Ted for Minds qui vont avoir lieu cet été aussi. Donc, fait que c'est ça. Là, je dirais qu'à ce niveau-là, compétitif, c'est une bonne année. Pour ce qui est du volet récréatif, inscription, on ne sait pas trop comment ça va s'enligner. D'après moi, on va avoir notre belle petite gang encore. On essaie de développer le volet plus ludique, jeune, là, 7 ans et 7 à 12 ans, là, pour leur amener à apprécier puis à apprendre à courir puis dans une façon plaisante. Là. Mais là, c'est à moi, tu sais, de courir. Donc ça doit être le fun là, aussi pour recruter, là. Ouais, c'est sûr que effectivement, là, de plus en plus de parents courent aussi. Ça devient un peu une routine de vie, là, la course. Puis c'est accessible à beaucoup de jeunes parce que ça coûte pas cher en équipement. Puis t'sais, tout le monde est capable de courir jusqu'à un certain rythme, là, jusqu'à un certain point là, quand on est jeune. Donc je pense que c'est accessible. Puis c'est pour ça qu'on en fait une bonne promotion. OK. Donc, du côté de... Tu prévois-tu une belle année du côté des... au niveau participation, est-ce que tu penses qu'il y a des athlètes qui pourraient surprendre aux Jeux du Québec? Je pense que oui. Je pense qu'on a des athlètes là, qui se développent bien, qui évoluent bien. Que ce soit, par exemple, Nirali Mathieu ou Denis Fond, 800 mètres, 1500 mètres. À date, elle a fait une super de belle saison intérieure. Donc, on a des chances d'aller se classer pour faire l'équipe régionale des Jeux du Québec puis bien performer. Caroline Dufour, Elisabeth Simard, deux marcheuses qui ont prouvé l'année passée à gagner des médailles d'argent au championnat canadien. Je pense que cette année, ça a continué. Puis Gabrielle Lamontagne aussi, là, sur 800 mètres puis 2000 mètres, qui évolue bien. Là, je dirais qu'on a des athlètes quand même assez jeunes, mais qui sont quand même nos leaders dans le club, qui ouvrent la trace là, aux autres, qui donnent l'exemple, puis je pense qu'ils vont continuer à bien performer cette année. Là. OK. Si on y allait maintenant du côté des bénévoles de ce côté-là, est-ce que tu tiens ça à bout de bras ou ça va quand même bien? Tu fais un peu comme Jocelyn a fait en dernier. Là. Ben en fait, Jocelyn est toujours dans les parages pour l'instant, ouais. C'est sûr. C'est que plus du volet adulte, mais ça reste que c'est lui qui va lider les entraînements nouveaux scolaires jusqu'à encore 2 semaines. À partir de là, moi et Yann, moi je suis là toutes les semaines, puis Yann Tremblay, qui est notre président, lui embarque aussi au niveau des fins de semaine puis pour l'été. Fait que nous, on va changer notre pattern. On va commencer les lundis, mercredis puis samedi à la piste Jean Dolbeau à partir de la semaine prochaine. Okay. Donc à partir de là, c'est sûr que c'est moi et Yann qui chapeaute ça. Mais à date, ça va bien. Puis on a une belle structure, on a un CA, on a On est vraiment un organisme officiel à but non lucratif, donc ça va quand même bien, on est bien monté. OK, Alex Bussière va être là encore cette année, j'imagine. Il va vous aider, j'imagine, aussi? Ben, Alex, c'est oui. De mon côté, Alex, c'est un athlète encore. Il est impliqué de plus en plus dans le nouveau petit Québec, à Québec. Donc, les disponibilités sont de moins en moins grandes à ce niveau-là. On utilise son expertise quand même, ses conseils comme consultant. Mais pour moi, ça... Alex, là, il vole de ses propres ailes à Québec. Ouais. Il est correct aussi, puis il est encore athlète. C'est un parti de la game. OK. Dis-moi maintenant, donc il y a pas mal de compétitions qui s'en viennent, donc j'imagine aussi que tu vois, il y a des élèves ou il y a des coureurs du Club du Mille qui vont participer sur les circuits autocars et Jacour, c'est ça? J'imagine qu'il y en a là-dessus aussi qui participent. Oui, ouais, ben on a toujours nos adeptes, nos amateurs là, qui souvent vont suivre les parents. Qui vont faire le circuit. C'est deux choses différentes quand même. Le circuit autocar, ça risque que l'athlétisme, ben, il y a toujours une partie, là, athlétisme qui va, les compétitions vont être la fin de semaine. Donc, il y a des courses qu'ils pourront pas faire sur le circuit. Nous, on essaie d'intégrer les courses du circuit autocar, aux entraînements de ces jeunes-là qui sont intéressés à le faire. Donc, fait que c'est ça. Je dirais que peut-être un 20%, 25% du club, là, qui participe régulièrement à ces courses-là, souvent parce que les parents y participent. Pierre-Luc, donc si on y allait maintenant avec les numéros de téléphone, s'il y a des gens qui veulent s'inscrire, c'est quoi? Si vous voulez avoir une information, vous pouvez m'appeler au 637-6010. On a aussi un groupe sur Facebook là, que vous pouvez faire la demande d'adhésion pour vous accepter. Là. Donc, Club du Mille, Volet Jeune. Donc, toute l'information que vous avez besoin d'acquérir va être sur ce club-là. Puis on essaie de le garder à jour le plus possible. OK. Ben, Pierre-Luc, maintenant, on va s'en reparler souvent au cours de l'été. Il y a une belle compétition qui s'en vient le 29 mai encore. La course de la relève, si tu vas t'en occuper encore. Donc, on a le temps de se reparler à ce moment-là. Ça marche, merci. Voilà, donc, Pierre-Luc Ménard qui nous parlait du Club du Mille, secteur de Dolbeau.